truc que m'en donnait souris et tomé. C'est un nœud borroméen de mon espèce. Fait de deux droites infinies et de quelque chose de circulaire. Vous pouvez constater que, avec un peu d'effort, sans doute, que c'est borroméen. Voilà. Alors, la seule excuse, parce qu'à la vérité, j'ai besoin d'excuses. J'ai besoin d'excuses au moins à mes yeux. La seule excuse que j'ai de vous dire quelque chose aujourd'hui, c'est que ça va être sensé. Moyennant quoi, je ne réaliserai pas ce que je voudrais. Et vous allez voir que j'éclairerai ça. Ce que je voudrais, c'est vous donner un bout, ça ne peut pas s'appeler autrement, un bout de réel. J'en suis réduit à me dire que il y a du sensé qui peut servir provisoirement. Mais ce provisoire est fragile. Je veux dire que je ne suis pas sûr de combien de temps ça pourra servir. Voilà, je me suis beaucoup préoccupé de Joyce tous ces temps-ci. Je vais vous dire ce que quoi Joyce, si on peut dire, est stimulant. C'est qu'il suggère, mais ce n'est qu'une suggestion. Il suggère une façon aisée de le présenter. Moyennant quoi, et c'est bien là sa valeur, son poids, moyennant quoi, tout le monde s'y casse les dents. Même mon ami Jacques Aubert, qui est là au premier rang et devant qui je me sens indigne. J'ai dit qu'il s'y cassait les dents lui-même parce que Jacques Aubert n'arrive pas, pas plus que n'importe qui d'ailleurs, pas plus qu'un nommé Adams qui a fait des tours de force dans ce genre, n'arrive pas à cette façon aisée de le présenter. Je vais peut-être tout à l'heure vous indiquer moi-même, non pas vous suggérer, vous indiquer à quoi ça tient. Bien sûr, moi aussi, j'ai rêvé, c'est à prendre au sens littéral. Cette façon aisée de le présenter, j'en ai rêvé cette nuit. Vous, évidemment, évidemment, comme on dit, vous, évidemment, étiez mon public, mais j'étais pas acteur. J'étais même pas acteur du tout. Ce dont je vous faisais part était la façon dont je, pas acteur du tout, scribouilleur, j'appellerais plutôt ça, dont je jugeais les personnages autres que le mien. En quoi, évidemment, je sortais du mien, ou plutôt, je n'avais pas de rôle. C'était quelque chose que dans le genre d'un psychodrame. Ce qui est une interprétation. Que Joyce m'ait fait rêver de fonctionner comme ça doit avoir une valeur. Valeur pas facile à extraire d'ailleurs, puisque comme je l'ai dit, il suggère ça à n'importe qui. Qu'il doit y avoir un Joyce maniable. Il suggère ça du fait qu'il y a la psychanalyse. Et c'est bien sur cette piste qu'un tas de gens se précipitent. Mais ce n'est pas parce que je suis psychanalyste et du même coup trop intéressé qu'il faut que je me refuse à l'envisager sous ce joug. Il y a là, quand même, quelque chose d'objectif. Joyce est un affreux, je dirais. Avec le jeu de mots sur affreux. Il est un Nap Joyce. Tout objet tel, tout objet sauf l'objet dit par moi, petit A, qui est un absolu, tout objet tient à une relation. L'ennuyeux est qu'il y ait le langage déclaration s'y exprime dans le langage avec des épithètes. Les épithètes, cela pousse au oui ou non. Un nommé Charles Sanders Peirce a construit là-dessus sa logique à lui, qui, du fait de l'accent qu'il met sur la relation, l'amène à faire une logique trinitaire. C'est tout à fait la même voie que je suis, à ceci près que j'appelle les choses dont il s'agit par leur nom, symbolique, imaginaire et réel, dans le bon ordre. Car pousser au oui ou non, c'est pousser au couple. Parce qu'il y a un rapport entre langage et sexe. Un rapport, certes, pas encore tout à fait précisé, mais que j'ai, si l'on peut dire, entamé. Vous voyez ça, hein? En employant le mot entamé, je me rends compte que je fais une métaphore. Et qu'est-ce qu'elle veut dire, cette métaphore? La métaphore, je peux en parler au sens général. Mais ce qu'elle veut dire, celle-là, ben, je vous laisse le soin de le découvrir. La métaphore n'indique que ça, le rapport sexuel. À ceci près qu'elle prouve de fait, du fait qu'elle existe, que le rapport sexuel, c'est prendre une vessie pour une lanterne. C'est-à-dire ce qu'on peut dire de mieux pour exprimer une confusion. Une vessie peut faire une lanterne à condition de mettre du feu à l'intérieur. Mais tant qu'il n'y a pas de feu, ce n'est pas une lanterne. D'où vient le feu? Le feu, c'est le réel. Ça met le feu à tout, le réel. Mais c'est un feu froid. Le feu qui brûle est un masque, si je puis dire, du réel. Le réel en est à chercher de l'autre côté. Du côté du zéro absolu. On y est arrivé quand même, Sam. Pas de limite à ce qu'on peut imaginer comme... comme haute température. Pas de limite imaginable pour l'instant. La seule chose qui est réelle, c'est la limite du bas. C'est ça que j'appelle quelque chose d'orientable. C'est pourquoi le réel l'est. Il y a une orientation, mais cette orientation n'est pas un sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je reprends ce que j'ai dit la dernière fois. En suggérant que le sens, c'est peut-être l'orientation. Mais l'orientation n'est pas un sens. Puisqu'elle exclut le seul fait de la copulation du symbolique et de l'imaginaire, en quoi consiste le sens. L'orientation du réel dans mon ternaire à moi forclos le sens. Je dis ça parce que on m'a posé la question hier soir de savoir s'il y avait d'autres forclusions. Que celles qui résultent de la forclusion du nom du Père. Il est bien certain que la forclusion, ça a quelque chose de plus radical, puisque le nom du Père, c'est quelque chose, en fin de compte, de léger. Mais... il est certain que c'est là que ça peut servir. Au lieu que la forclusion du sens par l'orientation du réel, ben nous n'en sommes pas encore là. Il faut se briser, si je puis dire, un nouvel imaginaire concernant le sens. C'est ce que j'essaie d'instaurer avec mon langage. Ce langage a l'avantage de parier sur la psychanalyse en tant que j'essaie de l'instituer comme discours, c'est-à-dire comme le semblant le plus vraisemblable. C'est un exemple, en somme, la psychanalyse, rien de plus, de court-circuit passant par le sens comme tel, que j'ai défini tout à l'heure, de la copulation. En somme, du langage, puisque c'est de ça que je supporte l'inconscient, de la copulation du langage avec notre propre corps. Faut vous dire que dans l'intervalle, j'ai été entendre Jacques Aubert quelque part. Vous n'étiez pas convié. Et que là, j'ai fait quelques réflexions sur l'ego. Ce que les Anglais appellent l'ego. Et les Allemands, l'ich. L'ego, c'est un truc. C'est un truc à propos de quoi j'ai cogité. J'ai cogité autour d'un nœud. Un nœud qu'a cogité lui-même. Un mathématicien qui n'a d'autre nom que Milnor. Il a inventé quelque chose, à savoir une idée de chaîne. Il appelle ça en anglais. Pour que je dessine ça autrement, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est un nœud. Je le refais parce que, bien entendu, comme chaque fois qu'il s'agit d'un nœud, cafouillé. C'est pas la première fois que ça m'arrive devant vous. Voilà correct dans le bas. Vous devez voir que ça, c'est noué. Mais supposez, dit Milnor, que donniez cette permission que dans une chaîne quelconque, celle-là, chaîne à deux éléments, que dans une chaîne quelconque, un même élément puisse se traverser lui-même. Alors, vous obtenez ceci. Donc, qui vous montre tout de suite que du fait qu'un élément puisse traverser lui-même, il en résulte que ce qui était au-dessus ici et ici et là en dessous, il n'y a plus de nœud. Il n'y en a bien sûr une quantité d'autres exemples. Il n'y a plus de ligne. À votre astuce. C'est ceci. De remarquer que si dans le premier nœud, vous doublez chacun des éléments de la dite chaîne, c'est-à-dire qu'au lieu d'en avoir un ici, vous en ayez deux, ayant la même circulation, et que de même, vous en fassiez de même pour ici. Il ne sera plus vrai, si invraisemblable que cela puisse vous paraître, et vous le contrôlerez, j'espère, je n'ai pas apporter mes dessins de sorte que, comme d'autre part, je n'ai fait mettre ici qu'un papier blanc. Je ne risquerai pas à vous montrer comment ceci se tortille. Il suffit qu'il y en ait deux, ce qui pourtant semble ne pas faire objection, puisque une boucle en huit, si elle se traverse elle-même, se libère aisément du circulaire ou de l'ovale tel que je l'ai dessiné. Se libère aisément quand ce 8 en question se traverse lui-même, pourquoi ça ne serait-il pas aussi vrai quand il y en a deux? Je dis deux huit et deux ovales. Il n'en reste pas moins que vous le contrôlerez, j'espère. J'y reviendrai la prochaine fois. Non seulement il y a un obstacle, mais il est radicalement impossible de séparer les quatre éléments. Là-dessus, il faut que je dise que je ne peux pas tracer tous les algorithmes S2A barré. Que veut dire que je proteste dans mon séminaire encore, paraît-il, parce que bien sûr je le lis jamais, c'est les autres qui le lisent, contre l'équivalence donnée, paraît-il, par certains, je l'avais totalement oublié, du S2A avec la fonction vie. Je dis non pas mais le grand qui est une fonction, comme l'implique ce que j'ai indiqué, à savoir qu'il existe un X pour qui cette fonction est négative. Bien sûr, l'idéal du mathème est que tout se corresponde. C'est bien en quoi le mathème au réel en rajoute. Car contrairement à ce qu'on s'imagine, on ne sait pourquoi, ce n'est pas la fin du réel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne pouvons atteindre que des bouts de réel. Le réel, celui dont il s'agit dans ce qu'on appelle ma pensée, le réel est toujours un bout, un trognon. Un trognon, certes, autour duquel la pensée brode, mais son stigmate à ce réel comme tel, c'est de ne se relier à rien. C'est tout au moins comme ça que je conçois le réel. Et ces petites émergences historiques, il y a un jour un homme Newton qui a trouvé un bout de réel. Ça a foutu salement les foies à tous ceux qui pensaient, nommément un certain Kant, et dont on peut dire que de Newton, il a fait une maladie. Et d'ailleurs, tout le monde, tous les êtres pensants de l'époque, en ont fait une, chacun à leur façon. Ça a plu, non seulement sur les hommes, mais sur les femmes. Madame du Châtelet a écrit tout un bouquin sur le Newtonian System, où ça déconne à plein tuyau. C'est tout de même extraordinaire que quand on atteint un bout de réel, ça fasse cet effet. Mais c'est de là qu'il faut partir. C'est le signe même de ce qu'on a atteint le trognon. J'essaie de vous donner un bout de réel à propos de ce dans quoi, dans la peau de quoi nous sommes, savoir la peau de cette histoire incroyable, enfin, qu'est l'espèce humaine. Et je vous dis qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Mais c'est de la broderie. C'est de la broderie parce que ça participe du oui ou non. Du moment que je dis il n'y a pas, c'est déjà très suspect. C'est suspect de n'être pas vraiment un bout de réel. Le stigmate du réel, c'est de se relier à rien. J'ai déjà dit ça tout à l'heure. Là où on se reconnaît, c'est seulement dans ce qu'on a. On ne se reconnaît jamais. C'est impliqué par ce que j'avance. C'est impliqué par le fait connu par Freud qu'il y a de l'inconscient, on ne se reconnaît jamais dans ce qu'on est. C'est le premier pas de la psychanalyse. Parce que ce qu'on est est de l'ordre quand on est homme. Et de l'ordre de la copulation. C'est-à-dire de ce qui détourne la dite copulation dans la non moins dite et significativement dans la non moins dite copule. Constitué par le verbe être. Le langage trouve dans son infléchissement vers la copule la preuve qu'il est une voie détour tout à fait vessie, c'est-à-dire obscure, et obscure n'est là qu'une métaphore, parce que si nous avions un bout de réel, nous aurions que la lumière, mais pas plus obscure que les ténèbres, et inversement. La métaphore copule n'est pas une preuve en soi. C'est la façon qu'a l'inconscient de procéder. Il ne donne que des traces. Et des traces non seulement qui s'efface toute seule, mais que tout usage de discours tente à effacer. Le discours analytique comme les autres. Vous-même ne songerez qu'à gommer les traces du mien. Puisque c'est moi qui, ce discours, ai commencé par lui donner son statut à partir du faire semblant de l'objet petita. Soit en fin de compte, de ce que je nomme, de ce que l'homme se met en place de l'ordure qu'il est, du moins aux yeux d'un psychanalyste qui a une bonne raison de le savoir, c'est que lui-même se met à cette place. Il faut en passer par cette ordure décidée pour peut-être retrouver quelque chose qui soit de l'ordre du réel. Mais vous voyez, j'emploie le mot retrouver. Retrouver est un glissement, déjà. Comme si tout de cet ordre avait déjà été trouvé. C'est là le piège de l'histoire. L'histoire est le plus grand des fantasmes, si on peut s'exprimer ainsi. Derrière l'histoire des faits auxquels s'intéressent les historiens, il y a le mythe. Et le mythe est toujours captivant. La preuve que Joyce, après avoir soigneusement témoigné du symptôme de Dublin, qui ne prend âme que du sien à lui, ne manque pas, chose fabuleuse, de tomber dans le mythe Vico qui soutient le Finnegan's Wake. La seule chose qui l'en préserve, c'est que quand même, Finnegan's Wake se présente comme un rêve. Non seulement un rêve, mais désigne que Vico est un rêve. Tout autant, en fin de compte, que les babochages de Madame Blavatsky, le Mahan Vantara et tout ce qui s'ensuit, l'idée d'un rythme où j'ai moi-même reçu, si je puis dire, dans mon retrouvé de plus haut, on ne retrouve pas. Ou bien c'est désigné qu'on ne fait jamais que tourner en rond. On trouve. Le seul avantage de se retrouver, c'est de mettre en valeur ce que j'indique. Qu'il ne saurait y avoir de progrès. On tourne en rond. Mais il y a peut-être quand même une autre façon de l'expliquer qu'il n'y ait pas de progrès. C'est qu'il n'y a de progrès que marqué de la mort. Ce que Freud souligne de cette mort, si je puis m'exprimer ainsi, la tribée, d'en faire un tribe. Ce qu'on a traduit en français par, on ne sait pas pourquoi, la pulsion de mort. On n'a pas trouvé une meilleure traduction alors qu'il y avait le mot dérive. La pulsion de mort, c'est le réel en tant qu'il ne peut être pensé que comme impossible. C'est-à-dire que chaque fois qu'il monte le bout de son nez, il est impensable. Aborder à cet impossible ne saurait constituer un espoir, puisque cet impensable, c'est la mort, dont c'est le fondement de réel qu'elle ne puisse être pensée. L'incroyable, c'est que Joyce, qui avait le plus grand mépris de l'histoire, en effet futile, qu'il qualifie de cauchemar, dans le caractère et de lâcher sur nous les grands mots dont il souligne qu'ils nous font tant de mal, n'ait pu trouver enfin que cette solution, écrire Finnegan's Wake, soit un rêve qui, comme tout rêve, est un cauchemar, même s'il est un cauchemar tempéré. À ceci près, dit-il, et c'est comme ça qu'est fait Finnegan's Wake, c'est que le rêveur n'y est aucun personnage particulier, il est le rêve même. C'est en ça que Joyce glisse au Jung, glisse à l'inconscient collectif, dont il n'y a pas de meilleure preuve, que Joyce, que l'inconscient collectif, c'est un symptôme. Car on ne peut dire que Finnegan's Wake, dans son imagination, ne participe pas à ce symptôme. Alors, ce qui est le signe de mon empêtrement, c'est bien Joyce. C'est bien Joyce, justement, en tant que ce qu'il avance, et avance d'une façon tout à fait spécialement artiste, il sait y faire, c'est le symptôme. Et symptôme tel qu'il n'y a rien à faire pour l'analyser. J'ai dit ça récemment. Un catholique. Bonne roche, comme était Joyce, qui n'a jamais pu faire, qui n'est pas été sainement élevé par les jésuites. Un catholique, un vrai de vrai, mais bien sûr. Il n'y en a pas un vrai ici, bien sûr. Je n'ai pas été élevé chez les jésuites. N'importe qui d'entre vous. Ben, un catholique est inanalysable. Là-dessus, il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer que j'avais dit la même chose des Japonais. C'est Jacques-Alain Miller, bien sûr, qui n'a pas perdu cette occasion. Enfin, je le maintiens. Je le maintiens, c'est pas pour la même raison. Mais depuis cette soirée Jacques Aubert, à laquelle vous n'étiez pas convié, depuis cette soirée Jacques Aubert, j'ai vu un film japonais, lui aussi. C'était dans une petite salle, vous ne pouviez pas y être convié, pas plus que chez Jacques Aubert. Et puis, j'aurais pas voulu vous donner de mauvaises idées. J'ai quand même extrait quelques personnes de mon école qui assistaient à ce film. Et qui en ont été, comme moi, je suppose, enfin c'est ce dont je me suis servi comme terme, pour dire l'effet que ça m'avait fait. J'ai été, à proprement parler, soufflé. J'ai été soufflé parce que... Parce que c'est de l'érotisme. Je ne m'attendais pas à ça en allant voir un film japonais. C'est de l'érotisme féminin. Là, j'ai commencé à comprendre le pouvoir des Japonais. Il semble avoir ce film un jour ou l'autre vous allez le voir. C'était une présentation privée, mais j'espère quand même qu'on va donner le permis. Et en faisant quelques mouvements de reptation, vous arriverez à le voir dans des salles limitées. Enfin, on vous demandera de montrer patte blanche, mais vous direz que vous venez à mon séminaire. L'érotisme féminin semble y être porté. Je m'en vais pas simplement sur un film faire une ligne de partage. Ça semble porter à son extrême. Et cet extrême est le fantasme, ni plus ni moins, de tuer l'homme. Mais même ça ne suffit pas. Il faut qu'après l'avoir tué, on va plus loin. Après, pourquoi après? Là est le doute. Après ce fantasme, que la japonaise en question, qui est une maîtresse femme, c'est le cas de le dire, à son partenaire, lui coupe la queue. C'est comme ça que ça s'appelle. On se demande pourquoi elle ne lui coupe pas avant. C'est bien que c'est un fantasme, d'autant plus que... Je sais pas comment ça se passe après la mort, mais... Il y a beaucoup de sang dans le film. Je veux bien que les corps caverneux soient bloqués. Mais après tout, non, c'est rien. Il y a là un point que j'ai appelé tout à l'heure de doute. Et c'est là qu'on voit bien que la castration, ce n'est pas le fantasme. Elle n'est pas si facile à situer. Je parle dans la fonction qui est la sienne dans l'analyse. Elle n'est pas facile à situer puisqu'elle peut être fantasmatisée. C'est bien en quoi je reviens à mon fils, mon grand fils, là, qui peut aussi bien être la première lettre du mot fantasme. Cette lettre situe les rapports de ce que j'appellerais une fonction de phonation. C'est là l'essence du phi, contrairement à ce qu'on croit. Une fonction de phonation qui se trouve être substitutive du mal dit homme, comme tel, avec, c'est là ce contre quoi je mets le fait, c'est que la substitution de ce phi au signifiant que je n'ai pu supporter que d'une lettre compliquée de notation mathématique, à savoir ce que j'ai écrit en dessous, là, S de A barré. S de A barré, c'est tout autre chose. Ce n'est pas ce avec quoi l'homme fait l'amour, c'est-à-dire, en fin de compte, avec son inconscient. Et rien de plus. Pour ce que fantasme la femme, si c'est bien là ce que nous a présenté le film, c'est bien quelque chose qui de toute façon empêche la rencontre. Mais est-ce de abarré, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si le truchement, autrement dit l'instrument dont on opère avec cet instrument pour la copulation. Si cet instrument est bien, comme c'est battant, à mettre au rencard, c'est pas du même ordre que ce dont il s'agit dans mon grand S, parenthèse, grand A barré. C'est parce qu'il n'y a pas d'autre. Non pas là où il y a suppléance, à savoir l'autre comme lieu de l'inconscient, ce dont j'ai dit que c'est avec ça que l'homme fait l'amour, en un autre sens du mot avec, c'est ça le partenaire. Mais ce que veut dire ce grand S de grand A comme barré, et je m'excuse de n'avoir pas eu autre chose que la barre dans me servir. Il y a une barre que n'importe quelle femme sait sauter, c'est la barre entre le signifiant et le signifié. Comme je l'espère, vous l'a prouvé le film au quoi j'ai fait allusion tout à l'heure. Mais il y a une autre barre qui consiste à barrer, à savoir, elle est comme cette barre. Je regrette de ne l'avoir pas fait de la même façon d'ailleurs. C'est comme ça que ça aurait été le plus exemplaire. Elle dit qu'il n'y a pas d'autre. D'autre qui répondrait comme partenaire. La toute nécessité de l'espèce humaine étant qu'il y ait un autre de l'autre. C'est celui-là qu'on appelle généralement Dieu. Mais dans l'analyse des voiles, que c'est tout simplement la femme. La seule chose qui permette de la désigner comme là, puisque je vous ai dit que la femme n'existait pas, et j'ai de plus en plus de raisons de le croire, surtout après avoir vu ce film, la seule chose qui permettre de supposer la femme, c'est que comme Dieu, elle soit pondeuse. Seulement, c'est là le progrès que l'analyse nous fait faire. C'est de nous apercevoir qu'encore que le mythe la fasse toute sortir d'une seule mère, à savoir d'Ève, ben, il n'y a que des pondeuses particulières. hier. C'est en quoi j'ai rappelé dans le séminaire encore, paraît-il, ce que voulait dire cette lettre compliquée, à savoir le signifiant. Le signifiant de ceci, qu'il n'y a pas d'autre de l'autre. Voilà. Tout ce que je vous raconte, là, n'est que sensé. Et à ce titre, plein de risques de se tromper, comme toute l'histoire le prouve. On n'a jamais fait que ça. Si je prends les mêmes risques, c'est bien plutôt pour... vous préparer ce que je pourrais vous dire d'autre. En essayant de faire une folie Sophie, si je puis dire, moins sinistre. Moins sinistre que ce qu'est le livre dit de la sagesse dans la Bible. Quoiqu'après tout, c'est ce qu'on peut faire de mieux pour fonder... vous en reconseille la lecture. Elle est sobre et du meilleur ton. Les catholiques ne la font pas souvent, cette lecture, il faut dire. On peut même dire que le catholicisme a consisté pendant des siècles à ce que on empêche les tenants de lire la Bible. Mais pour fonder la sagesse sur le manque, qui est la seule fondation que puisse avoir, c'est vraiment... pas mal du tout, c'est gratiné. Arriverai-je à vous dire, il ne faudrait pas que ce soit seulement un rêve, arriverai-je à vous dire ce qui s'appellerait un bout de réel? Au sens propre du mot « bout » que j'ai précisé tout à l'heure. Pour l'instant, on peut dire que Freud lui-même n'a fait que du sensé. Et que ça m'ôte tout espoir. Pas pour autant une raison. Non pas pour que je l'espère, mais pour que je le fasse réellement un jour. Voilà. Voilà assez pour aujourd'hui. Ils vont applaudir naturellement. Ça marche. Il y a du tout. D'habitude, j'ai quelque chose à vous dire. Mais je souhaiterais, comme ça, aujourd'hui... je souhaiterais, parce que... comme ça, j'ai une occasion. C'est le jour de mon anniversaire. Je souhaiterais que je puisse vérifier si je sais ce que je dis. Malgré tout, dire ça vise à être entendu. Je voudrais vérifier en somme si je ne me contente pas de parler pour moi. Comme tout le monde le fait, bien sûr. Si l'inconscient a un sens, c'est bien ça. Je dis si l'inconscient a un sens. Je préférerais donc que aujourd'hui, quelqu'un, je ne demande pas des merveilles, enfin, n'est-ce pas? Je ne demande pas du tout que l'étincelle jaillisse. J'aurais aimé sans doute que... Que quelqu'un écrive quelque chose qui en somme justifierait cette peine que je me donne depuis environ 22 ans, un peu plus. La seule façon de le justifier, ça serait que quelqu'un invente quelque chose qui puisse à moi me servir. Je suis persuadé que c'est possible. J'ai inventé ce qui s'écrit comme le réel. Naturellement, il ne suffit pas l'écrire réel, parce que pas mal de gens l'ont fait avant moi, mais ce réel, je l'ai écrit sous la forme de ce que on appelle le nœud borroméen, qui n'est pas un nœud, qui est une chaîne ayant certaines propriétés. Et sous la forme minimale, sous laquelle j'ai tracé cette chaîne, il en faut au moins trois. Le réel, c'est ça. C'est ça qui consiste à appeler un de ces trois réel. Ça veut dire là qu'il y a trois éléments et que ces trois éléments, en somme, tels qu'ils sont dits, noués, en réalité enchaînés, font métaphore. Ça n'est rien de plus, bien sûr, que métaphore de la chaîne. Comment se peut-il qu'il y ait une métaphore de quelque chose qui n'est que nombre? Cette métaphore, on l'appelle, à cause de ça, le chiffre. Il y a un certain nombre de façons de tracer ces chiffres. Enfin, la façon la plus simple, c'est celle que j'ai appelée du trait unaire. Faire un certain nombre de traits ou de points, d'ailleurs, et ça suffit à indiquer un nombre. Il y a quelque chose d'important. C'est que ce qu'on appelle l'énergétique, ça n'est rien d'autre que la manipulation d'un certain nombre de nombres. Un certain nombre de nombres d'où on extrait un nombre constant. C'était ça à quoi Freud, se référant à la science telle qu'on la concevait de son temps, à quoi Freud se référait, c'est-à-dire qu'il n'en faisait qu'une métaphore. L'idée d'une énergétique psychique, il ne l'a jamais vraiment fondée. Il n'aurait même pas pu en tenir la métaphore. En tenir la métaphore avec quelque vraisemblance. L'idée d'une constante, par exemple, entre liant le stimulus à ce qu'il appelle la réponse, est quelque chose de tout à fait insoutenable. Dans la métaphore de la chaîne, je dis que la chaîne borroméenne, je dis que j'ai inventé quelque chose. Qu'est-ce que c'est qu'inventer? Est-ce que c'est une idée? Ceci ne vous empêche pas quand même d'essayer dans un instant de me poser une question qui me récompense. Qui me récompense non pas de l'effort que je fais pour l'instant, parce que justement, ce que je pense, pour l'instant, c'est que ce que je vous dis pour l'instant n'a pas beaucoup de chance d'obtenir une réponse. Est-ce que c'est une idée, cette idée de réel? J'entends telle qu'elle s'écrit dans ce qu'on appelle le nœud borroméen, qui, je le souligne, est une chaîne. C'est pas une idée. C'est pas une idée qu'ils soutiennent, parce que c'est en somme là qu'on touche que l'idée qui vient comme ça, l'idée qui vient quand on est couché, parce qu'en fin de compte c'est ça, l'idée au moins réduite à sa valeur analytique, c'est une idée qui vous vient quand on est couché. Qu'on soit couché ou debout, l'effet de chaîne qu'on obtient par l'écriture ne se pense pas aisément. Je veux dire que, à mon expérience tout au moins, il n'est pas du tout aisé de dire comment une chaîne composée d'un certain nombre d'éléments, même à les réduire à trois, ça ne s'imagine pas facilement. Ça ne s'écrit pas facilement. Et il vaut mieux y être rompu d'avance pour être sûr de réussir à en donner l'écriture. C'est très exactement ce dont vous avez eu mille fois le témoignage par moi-même. Dans les erreurs, enfin, les lapsus de plume que j'ai fait 100 fois devant vous, en essayant de faire quoi? De faire une écriture, qui symbolise cette chaîne. Je considère que d'avoir énoncé sous la forme d'une écriture le réelle en question a la valeur de ce qu'on appelle généralement un traumatisme. Non pas que cet été m'a visé de traumatiser quiconque, surtout de mes auditeurs, auxquels je n'ai aucune raison, enfin, d'en vouloir au point de leur causer ce qu'on appelle généralement un traumatisme. Disons que c'est un forçage d'une nouvelle écriture, une écriture qui, par métaphore, a une portée qu'il faut bien appeler symbolique. C'est un forçage d'un nouveau type, si je puis dire, d'idée qui n'est pas une idée qui fleurit en quelque sorte spontanément du seul fait de ce qui fait sens en somme. C'est-à-dire de l'imaginaire. Ce n'est pas non plus que ce soit quelque chose de tout à fait étranger. Je dirais même plus. C'est ça qui fait toucher du doigt, mais de façon tout à fait illusoire, ce que peut être ce qu'on appelle la réminiscence. La réminiscence consiste à imaginer à propos de quelque chose qui fait fonction d'idée, mais qui n'en est pas une, on s'imagine qu'on se la réminisce, si je puis m'exprimer ainsi. C'est en ça que les deux fonctions sont distinguées dans Freud, parce que il avait le sens des distinctions. C'est en ça que la réminiscence est distincte de la remémoration. La remémoration, c'est évidemment quelque chose que Freud a tout à fait forcé. Qu'il a forcé grâce au terme impression. Il supposait que dans le système nerveux, il y avait des choses qui s'imprimaient. Et ces choses qui s'imprimaient dans le système nerveux, il les pourvoie de lettres, ce qui est déjà trop dire. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'une impression se figure comme ce quelque chose de si déjà éloigné de l'impression qu'est une lettre. Parce que une lettre, il y a déjà un monde entre une lettre et un symbole phonologique. L'idée dont Freud porte le témoignage dans l'esquisse, en figurant par des réseaux, bien sûr, que ces réseaux, c'est ce qui, c'est peut-être ce qui m'a incité à faire, à leur donner une nouvelle forme plus rigoureuse. C'est-à-dire à faire de ces réseaux quelque chose qui s'enchaîne au lieu de simplement se tresser. La remémoration, à proprement parler, c'est faire entrer, et c'est certain que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, je pense que je vous en ai donné le témoignage, ce n'est pas facile de faire entrer le... la chaîne ou le nœud dit, mis sous le patronage des Borromées, c'est pas facile de les faire entrer dans ce qui est déjà là. Les lapsus que j'ai faits, fréquents, en essayant de les tracer sur quelque chose comme ce bout de papier, en sont la preuve. Quelque chose qui est déjà là et qui se nomme le savoir. J'ai essayé d'être rigoureux en faisant remarquer que ce que Freud supporte comme l'inconscient suppose toujours un savoir et un savoir parlé comme tel. C'est le minimum que suppose le fait que l'inconscient puisse être interprété. Il est entièrement réductible à un savoir. Après quoi, il est clair que ce savoir exige au minimum deux supports, n'est-ce pas, qu'on appelle termes, en les symbolisant de lettres. D'où mon écriture du savoir comme se supportant de S, non pas à la deuxième puissance, de S avec cet indice qui le supporte. Cet indice d'un petit 2 dans le bas, ça n'est pas le S au carré, c'est le S supposé être 2. La définition que je donne de ce signifiant comme tel, que je supporte du S indice 1, c'est de représenter un sujet comme tel et de le représenter vraiment. Vraiment veut dire dans l'occasion, conformément à la réalité. Le vrai est dire conforme à la réalité. La réalité qui est dans l'occasion, ce qui fonctionne. Ce qui fonctionne vraiment. Mais ce qui fonctionne vraiment n'a rien à faire avec ce que je désigne du réel. C'est une supposition tout à fait précaire que mon réel, faut bien que je me le mette à mon actif, que mon réel conditionne la réalité de votre audition, par exemple. Il y a là un abîme qui est loin de, dont on est loin de pouvoir assurer qu'il se franchit. En d'autres termes, l'instance du savoir que Freud renouvelle, je veux dire rénove, sous la forme de l'inconscient, est une chose qui ne suppose pas du tout obligatoirement le réel dont je me sers. J'ai véhiculé beaucoup de ce qu'on appelle choses freudiennes. Même intitulé une chose que j'ai écrite, la chose freudienne. Mais dans ce que j'appelle le réel, J'ai inventé quelque chose, non pas parce que ça s'est imposé à moi. Peut-être qu'il y en a qui se souviennent comment, enfin, et à quel moment a surgi, enfin, ce fameux nœud qui est de tout ce qu'il y a de plus figuratif. C'est le maximum qu'on puisse en figurer, de dire que à l'imaginaire et au symbolique, c'est-à-dire à des choses qui sont très étrangères, le réel, lui, apporte l'élément qui peut les faire tenir ensemble. C'est quelque chose dont je peux dire que que je le considère comme n'étant rien de plus que mon symptôme. Je veux dire que si tant est que y est-ce qu'on puisse appeler une élucubration freudienne, c'est ma façon à moi de porter à son degré de symbolisme au second degré. C'est dans la mesure où Freud a articulé l'inconscient que j'y réagis, mais déjà, nous voyons là que c'est une façon de porter le symptôme lui-même au second degré. C'est dans la mesure où Freud a vraiment fait une découverte et a supposé que cette découverte soit vraie, qu'on peut dire que le réel est ma réponse symptomatique. Mais la réduire à être symptomatique n'est évidemment pas rien. La réduire à être symptomatique, c'est aussi réduire toute invention au symptôme. Changeons de place à partir du moment où on a-t-on une mémoire? Peut-on dire que qu'on fasse plus à dire qu'on l'a que d'imaginer qu'on l'a, d'imaginer qu'on en dispose? Il faudrait dire qu'on en dispose. On a à dire. Et c'est en quoi la langue appelée la langue laise, a toutes sortes de ressources. I have to tell. J'ai à dire. C'est comme ça qu'on traduit, c'est d'ailleurs un anglicisme. Mais qu'on puisse dire non seulement have, mais O-E-A-W-E, I owe to tell, donne le glissement, j'ai à dire devient je dois dire. Et qu'on puisse dans cette langue mettre l'accent sur le verbe de façon telle qu'on puisse dire I do make, j'insiste en somme sur le fait que par ce making il n'y a que fabrication, qu'on puisse également séparer la négation sous cette forme que on dise I don't, ce qui veut dire je m'abstiens de faire quelque chose. I don't talk, je ne choisis pas de parler. Parler quoi? Dans le cas de Joyce, c'est le gaélique. Ceci suppose, implique qu'on choisit de parler la langue, qu'on parle effectivement. En fait, on ne fait que s'imaginer la choisir. Et ce qui résout la chose, c'est que cette langue, en fin de compte, on la crée. On crée une langue pour autant qu'à tout instant, on lui donne sens. Il n'est pas réservé aux phases où la langue se crée. À tout instant, on donne un petit coup de pouce, sans quoi la langue ne serait pas vivante. Elle est vivante pour autant qu'à chaque instant on la crée. C'est en cela qu'il n'y a pas d'inconscient collectif, qu'il n'y a que des inconscients particuliers, pour autant que chacun, à chaque instant, donne un petit coup de pouce à la langue qu'il parle. Donc il s'agit pour moi de savoir si je ne sais pas ce que je dis comme vrai. C'est à chacun de ceux qui sont ici de me dire comment vous l'entendez. Et spécialement sur ceci, que quand je parle, parce qu'après tout, ce n'est pas sûr que ce que je dise du réel soit plus que de parler à tort et à travers. Dire que le réel est un symptôme n'empêche pas que l'énergétique dont j'ai parlé tout à l'heure le soit moins. Quel serait le privilège de l'énergétique si ce n'est que on l'a à condition de faire les bonnes manipulations. Les manipulations conformes à un certain enseignement mathématique, on trouve toujours un nombre constant. Mais on sent bien à tout instant ce qu'il peut, que c'est une exigence, si on peut dire, préétablie. C'est-à-dire que il faut qu'on obtienne la constante et que c'est ça qui constitue en soi l'énergétique. C'est que il faut trouver un truc pour trouver la constante. Le truc convenable, celui qui réussit est supposé conforme à ce qu'on appelle la réalité. Mais je fais distinction de cet organe, si je puis dire, de cet organe qui n'a absolument rien à faire avec un organe charnel. Je fais tout à fait distinction de cet organe par quoi imaginaire et symbolique sont, comme on dit, noués. Je fais tout à fait distinction de ce supposé réel par rapport à ce qui sert à fonder la science de la réalité. Le réel dont il s'agit est illustré par ce nœud mis à plat, est illustré du fait que dans ce nœud mis à plat, j'y montre un champ comme essentiellement distincte du réel, qui est le champ du sens. À cet égard, on peut dire que le réel a et n'a pas un sens au regard de ceci, c'est que le champ en est distinct. Que le réel n'ait pas de sens, c'est ce qui est vrai. Ceci, c'est que le sens est là. Et que le réel, c'est là. Et qu'ils ne sont pas, ils sont distincts. Comme chanteur, le frappant est ceci, c'est tout. Le symbolisme distinct des trous, spécialisé, si l'on peut dire, comme trou. Mais que le vrai trou est ici, il est ici où se révèle que il n'y a pas d'autre de l'autre, que ça serait là la place même de le sens, c'est l'autre du réel. Que ça serait là sa place. Mais qu'il n'y a rien de tel. À la place de l'autre, il n'y a aucun ordre d'existence. C'est bien en quoi. C'est bien en quoi que vous pensez que le réel lui non plus. Est en suspens, si l'on peut dire, que le réel peut-être ce à quoi je l'ai réduit, sous forme de question, à savoir un être, qu'une réponse. Qu'une réponse à l'élucubration de Freud, dont on peut dire que tout de même, elle répugne à l'énergétique. Que elle est tout à fait en l'air au regard de cette énergétique. Et que la seule conception qui puisse y suppléer à la dite énergétique, c'est celle que j'ai énoncée sous le terme de réel. Voilà, je m'en vais. Si la psychanalyse est un symptôme, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que ce que vous faites avec votre nœud et vos matéons et vos mathèmes, si la psychanalyse me pose-t-on comme question, est un symptôme? Je n'ai pas dit que la psychanalyse était un symptôme. Est-ce que ce que vous faites avec votre nœud et vos mathèmes, ce n'est pas déchiffré, avec la conséquence d'en dissiper la signification? Je ne pense pas que la psychanalyse soit un symptôme. Je pense que la psychanalyse est une pratique dont l'efficacité, malgré tout tangible, implique que je fasse ce qu'on appelle mon nœud, n'est-ce pas, à savoir ce nœud triple, implique ceci pour moi. C'est en ça que je suspends cet abord de ce tiers qui se distingue de la réalité et que j'appelle le réel. C'est en ça que je ne peux pas dire je pense, puisque c'est une pensée encore tout à fait fermée, c'est-à-dire, au dernier terme, énigmatique. La distinction du réel par rapport à la réalité est quelque chose dont je ne suis pas sûr que ça se confonde avec, je dirais, la propre valeur que je donne au terme réel. Le réel étant dépourvu de sens, je ne suis pas sûr que le sens de ce réel ne pourrait pas s'éclairer d'être tenu pour rien moins que symptôme. C'est là ce que, à la question qui m'est posée, je réponds. C'est dans la mesure où je crois pouvoir, de quelque chose qui est une topologie grossière, supporter ce qui est en cause, à savoir la fonction même du réel, comme distingué par moi de ce que je crois pouvoir tenir avec certitude parce que j'en ai la pratique, du terme d'inconscient, n'est-ce pas? C'est dans cette mesure et dans la mesure où l'inconscient ne va pas sans référence au corps, que je pense que la fonction du réel peut en être distinguée. Et selon la genèse, je vous lis les choses que on a eu la bonté de m'écrire, ce qui n'est pas plus mal qu'autre chose, étant donné ce que j'ai dit, que le réel tient à l'écriture. Si selon la genèse traduite par André Chouraki, Dieu créa à l'homme une aide contre lui, qu'en est-il du psychanalyste comme aide contre? Je pense qu'effectivement, le psychanalyste ne peut pas se concevoir autrement que comme un symptôme. C'est pas la psychanalyse qui est un symptôme, c'est le psychanalyste. C'est dans ça que je répondrai à ce qui m'avait été posé comme question tout à l'heure. C'est que c'est le psychanalyste qui est, en fin de compte, une aide dont, au terme de la Genèse, on peut dire que c'est en somme un retournement, puisque si bien l'autre de l'autre, c'est ce que je viens de définir à l'instant comme l'art de petit trou, que ce petit trou à lui tout seul puisse fournir une aide, c'est justement en ça que l'hypothèse de l'inconscient a son support. L'hypothèse de l'inconscient, Freud le souligne, c'est quelque chose qui ne peut tenir qu'à supposer le nom du père. Supposer le nom du père, certes, c'est Dieu, mais c'est en ça que la psychanalyse, de réussir, prouve que le nom du père, on peut aussi bien s'en passer. On peut aussi bien s'en passer à condition de s'en servir. Chaque acte de parole, coup de force d'un inconscient particulier, n'est-il pas? Chaque acte de parole, coup de force d'un inconscient particulier, n'est-il pas, me pose-t-on la question, n'est-il pas collectivisation de l'inconscient? Mais c'est que si chaque acte de parole est un coup de force d'un inconscient particulier, il est tout à fait clair que, comme nous en avons la théorie, enfin, chaque acte de parole peut espérer être un dit. Et le dire aboutit à ce dont il y a la théorie qui est le support de toute espèce de révolution. Enfin, c'est une théorie de la contradiction. On peut dire des choses très diverses, chacune étant à l'occasion contradictoire, et que de là, il sort une réalité qu'on présume être révolutionnaire. Mais c'est très précisément ce qui n'a jamais été prouvé. Je veux dire que ce n'est pas parce qu'il y a du remue-ménage contradictoire que rien soit jamais sorti comme constituant une réalité. On espère qu'une réalité en sortira, mais c'est bien ce qui ne s'est jamais avéré comme tel. Quelle limite assignez-vous au champ de la métaphore? Ça, c'est une très bonne question. Ça n'est pas parce que la droite est infinie qu'elle n'a pas de limite. Car la question continue par « Sont-ils infinis les champs de la métaphore ? Sont-ils infinis comme la droite, par exemple ?» Il est certain que le statut de la droite mérite réflexion. Qu'une droite coupée soit assurément finie, comme ayant des limites, ne dit pas pour autant qu'une droite infinie soit sans limite. C'est pas parce que le fini a des limites qu'une droite infinie, puisqu'elle peut être supposée comme ayant ce qu'on appelle un point à l'infini, c'est-à-dire en somme faisant cercle, ça n'est pas pour autant que la droite suffise à métaphoriser l'infini. Ce que pose comme question cette question de la droite, c'est justement ceci. C'est que la droite n'est pas droite. Mis à part le rayon lumineux qui semble nous donner, et chacun sait qu'il ne nous donne pas, une image, il ne nous donne pas à condition de le supposer comme il semble bien. Dernière nouvelle d'Einstein, de le supposer flexible, il s'infléchit, ce rayon lumineux lui-même. Il s'infléchit, quoi qu'il donne à la courte portée, afin que qui est à la nôtre de courte portée, quoi qu'il donne toute apparence de ne pas l'être, à savoir de réaliser la droite. Comment concevoir une droite qui, à l'occasion, se tord? C'est évidemment un problème que soulève ma question du réel. Elle implique en quelque sorte qu'on puisse poser des questions comme, mon Dieu, celles que Lénine posait, à savoir que, expressément formulé, qu'une droite pouvait être tordue. L'a impliqué dans une métaphore qui était la sienne et qui se supportait de ceci, que même un bâton peut l'être, et qu'un bâton étant ce qu'on appelle grossièrement l'image d'une droite, un bâton peut être du seul fait d'être bâton, tordu et même coup en position de pouvoir être redressé. Quel est le sens de se redresser par rapport à l'usage que nous pouvons faire dans le comme deux droites qui interviennent expressément, c'est en effet la question qui quelle peut être la définition de la droite en dehors du support de ce qu'on appelle à courte portée le rayon lumineux. Il n'y en a aucun autre que ce qu'on appelle le plus court chemin d'un point à un autre, mais comment savoir quel est le plus court chemin d'un point à un autre? Je m'attends toujours à ce que vous jouiez sur les équivoques. Vous avez dit « Yadlin ». Vous nous parlez du réel comme impossible. Vous n'appuyez pas sur « impossible ». À propos de Joyce, vous parlez de paroles imposées. Vous n'appuyez pas sur le nom du Père comme imposé. Ça, c'est une chose qui est signée. Qui est-ce qui s'attend toujours à ce que je joue sur les équivoques saintes? Je ne tiens pas spécialement aux équivoques saintes. Je crois que, il me semble que je les démystifie. Yadlin, il est certain que cet homme m'embarrasse fort. Je ne sais qu'en faire, puisque comme chacun sait, l'un n'est pas un nombre. Et même qu'à l'occasion, je le souligne. Je parle du réel comme impossible dans la mesure où je crois justement que le réel, enfin je crois, si c'est mon symptôme, dites-le moi, où je crois que le réel, est, il faut bien le dire, sans loi. Le vrai réel implique l'absence de loi. Le réel n'a pas d'ordre. C'est ce que je veux dire en disant que la seule chose que peut-être j'arriverai un jour à articuler devant vous, c'est quelque chose qui concerne ce que j'ai appelé un bout de réel. Que pensez-vous du remue-ménage contradictoire qui s'effectue depuis quelques années en Chine? J'attends, mais je n'espère rien. Le point se définit de l'intersection de trois plans. Peut-on dire qu'il est réel? L'écriture de traits en tant qu'alignement de points, l'écriture, le trait en tant qu'alignement de points sont-ils réels au sens? Je suppose que ça doit être écrit au sens où vous l'entendez. C'est écrit au sens que vous l'entendez. Non, il n'y a pas de quoi rire, oui. Il est certain que c'est une question qui vaut tout à fait la peine d'être posée, que le point se définit de l'intersection de trois plans, et avec la question qui est posée à son terme, peut-on dire qu'il est réel ? Comme certainement, l'implication de ce que j'appelle la chaîne borroméenne est qu'il n'y ait entre tout ce qui est consistant dans cette chaîne, qu'il n'y ait à proprement parler aucun point commun exclut certainement le point comme tel du réel. Parce que qu'une figuration du réel ne puisse se supporter que de cette hypothèse qu'il n'y ait aucun point commun, qu'il n'y ait aucun branchement, aucun Y dans l'écriture, implique certes que le réel ne comporte pas le point comme tel. Je suis tout à fait reconnaissant. Est-ce que le membre, est-ce que le nombre, si j'ai bien compris, le nombre constant dont vous parlez a un rapport avec le phallus ou avec la fonction phallique? Je ne pense justement absolument pas, enfin, je pense pour autant que ma pensée est plus qu'un symptôme, je ne pense absolument pas, en effet, que le phallus puisse être un support suffisant à ce que Freud concevait comme énergétique et même ce qui est tout à fait frappant, c'est qu'il ne l'ait jamais lui-même identifié. Quelqu'un m'a écrit en chinois, ce qui est très très gentil. Quelqu'un m'a écrit en chinois, non, en japonais, oui. Je veux dire que je reconnais des petits caractères. J'aimerais bien que la personne qui m'a envoyé ce ce texte me le traduise. Est-ce que vous êtes anarchiste? Sûrement pas. Bon. Quel peut être le statut d'une réponse faite à une élucubration à partir de laquelle elle se définirait comme symptôme? Il s'agit, dans ce que j'ai remarqué tout à l'heure, d'une élucubration qui est celle de l'inconscient. Et vous pouvez bien... Vous vous êtes certainement aperçu que il fallait que je baisse le symptôme d'un cran pour considérer qu'il était homogène à l'élucubration de l'inconscient. Je veux dire qu'il se figurait comme noué avec lui. Ce que j'ai supposé tout à l'heure, c'est ceci. C'est que je réduisais le symptôme qui est ici à quelque chose qui réponde non pas à l'élucubration de l'inconscient, mais à la réalité de l'inconscient. Ceci indique un troisième terme qui c'est deux ronds, pour les appeler de leur nom, le rond de ficelle, les maintiennent séparés. Alors, ce troisième terme peut-être ce qu'on veut. Mais si le symptôme est considéré comme étant l'équivalent du réel, ce troisième terme ne peut être dans l'occasion que l'imaginaire. Et après tout, on peut faire la théorie de Freud en faisant de cet imaginaire, à savoir du corps, tout ce qui tient séparé, les deux, l'ensemble constitué ici par le deux du symptôme. Symbolique. Je vous remercie d'avoir envoyé, mis à part ceci, que votre cigare tordu est-il un symptôme de votre réel. Certainement. Mon cigare tordu a le plus étroit rapport avec la question que j'ai posée sur la droite, également tordue du même nom. Vous prenez une petite lumière.